Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Roberval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers, en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Roberval et fier commanditaire de la chronique de l'instructeur-chef Patrice Gagnon. On va parler avec l'instructeur-chef des Sabres de Roberval, Patrice Gagnon. Salut Patrice. Salut Danny. Patrice, avant de commencer à parler des matchs, j'ai sursauté cette semaine quand j'ai entendu Marcel, parce que tu sais que ça a brossé dans la Ligue GMS, là. Puis cette semaine, j'ai travaillé beaucoup le dossier du fait que Marcel Maltais a été démis de ses fonctions ce printemps, remplacé par Pierre Gay. J'ai sursauté quand Marcel Maltais a annoncé que la Ligue voulait avoir quatre équipes. Et eux autres, le groupe à Marcel Maltais travaillait pour avoir six équipes, une à la baie. Et certaines équipes du Lac-Saint-Jean auraient voulu avoir une ligue à quatre équipes et enlever Roberval. Est-ce que tu étais au courant de ça? Ça avait travaillé là-dessus? Pas au courant de ça, là. Non, pas vraiment, mais par contre, là, c'est sûr que, je veux dire, de ce côté-là, là, c'est des spéculations. Je pense que la Ligue, je pense que les dirigeants de Ligue, eux autres, ils veulent avoir une Ligue à cinq équipes, parce qu'une Ligue à quatre équipes, là, c'est pas toujours évident quand même, là. Mais c'est sûr que, au niveau de la Ligue, là, c'est sûr que trois équipes là, dans le haut du lac, là, parfois, là, au niveau des joueurs, c'est plus difficile. Là, mais c'est ça, écoute, je peux pas répondre pour les équipes là, qui sont concernées là-dedans. Là. Okay. Patrice, par contre, rassure-toi, Pierre Gay a mentionné que la Ligue, Roberval, à l'appui de la Ligue, il n'y a aucun problème, parce que moi, c'était une de mes questions hier. Maintenant, le fait que Marcel n'est plus là-dedans, ça veut dire que Roberval pourrait être menacé, puis non, il a dit il n'est pas du tout, donc Roberval va rester dans la Ligue, donc rassure-toi là-dessus. Mais hier, je parlais avec Jason Lajeunesse pour le Marcos Pop de Saint-Félicien, puis lui me disait que il trouvait ça compliqué un peu, le fait que la Ligue, vous avez une cédule de 4 semaines seulement. Toi, comment tu trouves ça? Ouais, ben là, ils ont sorti la cédule, parce qu'il y avait une problématique à la sortir au complet, là. OK. Je pense que là, c'est... quand ils vont sortir le reste du calendrier, on va avoir la cédule au complet, je pense. OK. Donc... Parce que les autres, quand ils font les cédules, c'est toujours compliqué, là. Tu sais, il faut qu'ils commencent par certaines catégories, parce que il y a des équipes de deux catégories qui jouent au même endroit, les vendredis et dimanche. Ouais. Donc, c'est pas facile de faire les cédules, là. Puis là, évidemment, il y a une restructuration, donc vous avez au moins pour 4 semaines, là. Le camp d'entraînement est terminé. Comment tu trouves ça? Comment es-tu content? Ouais, on est content. Là, on est content de passer à la saison. Oui, on est content. On a eu un bon camp d'entraînement. OK. Puis, écoute, nous autres, on a 33 joueurs là, qui sont venus au camp d'entraînement. Fait que on est content du groupe qu'on a sous la main, là. OK. Donc, t'es quelque part, t'es soulagé. 33 joueurs, ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de relais puis pas mal de PE, parce que dans le junior, ça en prend beaucoup, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, nous, il faut respecter une liste 25, là. Puis, ça fait que c'est ça, mais tu sais, oui, il va y avoir des joueurs affiliés, mais des fois, sur la liste 25, il faut que tu places des gars qui se sont pas présentés au camp d'entraînement, parce que tu veux pas non plus les perdre au profit d'autres équipes. Fait que... À un moment donné, c'est pas long, tu te ramasses avec 2-3 gars sur cette liste-là, puis c'est ça, là. Non, il faut jouer avec tout ça, là. OK. Parle-moi maintenant du côté des deux matchs en fin de semaine. Vendredi, à un moment donné, on a perdu 5-2. OK. Et ensuite, là, on a gagné 6-5 samedi soir à Mastoyatch en prolongation contre les 5-9. OK. Donc, c'était deux... c'était là-dessus... à Mastoyatch, il n'y a aucun problème? Tu vois pas de problème à aller jouer là? Non, c'est comme je te disais l'autre fois, là. Ouais. On est content d'être là, ça va bien. Puis c'est sûr que, comme je te disais, on a hâte d'être à Roberval dans nos affaires, là, pour avoir notre chance, puis laisser nos poches là, puis avoir notre foule aussi, là, parce que c'est sûr qu'on se cachera pas que D'après moi, c'est pas tout le monde qui va venir au match à Mastoyatch, mais d'un autre côté, il y a d'autres partisans qui ont peut-être pas la chance des fois de voir le hockey junior 2A qui ont la chance de le faire. OK. En fin de semaine, c'est deux matchs pour commencer? On a juste un match en fin de semaine. Notre premier match, nous, c'est vendredi à Jonquière. OK. Donc, contre les Marquis. L'ouverture de la case, c'est dans l'autre semaine, c'est ça? Oui. Dans l'autre semaine, oui, on va avoir un match là à domicile. Ça va être le samedi. OK. Ben, Patrice Gagnon, on va te souhaiter une bonne saison. On va être là tous les mercredis. Ça va être un rendez-vous hebdomadaire comme on le faisait par les années passées. Et on rappelle évidemment que cette chronique est une commandite de la Caisse Desjardins, Domaine du Roy et le groupe Véro. Patrice, on s'en reparle mercredi prochain. OK, parfait. Merci, David. L'instructeur-chef des Sables de Roberval, Patrice Gagnon.